Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est samedi et c'est l'heure de notre rendez-vous disco et funk. Alors, pour la découverte, c'en est une sans en être une. Je m'explique. Je vais vous donner le nom du groupe qui ne vous dira rien et dès que vous entendrez le titre, ça va vous parler tout de suite. Le groupe, c'est Redbone. Il est créé en 1969 à Los Angeles et est toujours actif en 2022. Bon, 2023 maintenant. Alors, le titre que l'on va écouter, Come and Get Your Love, a totalisé plus de 70 millions de vues sur YouTube et 112 millions d'écoutes sur un célèbre site de streaming. A noter que le groupe défend depuis ses racines amérindiennes. Le titre est celui de la BO des Gardiens de la Galaxie, c'est pour cela que cela vous parle. Prêt au décollage ? Thank you. Alors aujourd'hui, dans notre rubrique des 100 hits, on va s'intéresser à Giorgio Moroder. Ce producteur italo-allemand compose dans sa carrière de nombreuses bandes originales, dont certaines contiennent des hits mondiaux comme Call Me de Blondie, On the Radio de Donna Summer, Flashdance d'Irene Cara bien sûr, ou Take My Breath Away de Berlin. Ça vous parle tout ceci, je suppose. Alors, ça illustre parfaitement son aisance à écrire des musiques commerciales. Sa première bande originale est celle du film Midnight Express d'Alan Parker. Le film raconte l'histoire d'un touriste américain enfermé en Turquie. Pour illustrer la tension qui plane sur l'intrigue du film, Parker imagine une musique sombre et inquiétante jouée par des synthétiseurs. Il s'adresse donc à Giorgio Moroder qui, en 1977, révolutionne le disco avec son album From Here to Eternity et I Feel Love de Donna Summer. Le morceau principal de la BO est Chase, qui est lui-même construit sur une ligne de basse et un beat entêtant. Le thème instrumental colle alors parfaitement à l'angoisse que vit le héros. Le mot chase veut dire course, bien sûr. Repris dans plusieurs scènes, oui, le thème apparaît pour la première fois lorsque le héros tente d'échapper à la police. Curieusement, ce titre à mille lieues de l'ambiance joyeuse et insouciante qui règne dans les discothèques va faire un tabac. Il va obtenir l'Oscar de la meilleure BO. Allez, place à l'écoute! We'll be right back. Disco et Mr. Funk sur Fadjet. Il est temps de passer à notre rubrique de la BO. On continue avec You Can Stop the Music et on va réécouter The Ritchie Family avec leur titre Sophistication, sorti en 1980. À l'origine, il fait partie de l'album Give Me a Break, dont le titre figure aussi sur la BO du film. Le film servira aussi à promouvoir l'album, et vice-versa. Ça sera le dernier album sur lequel le groupe présentera des chansons disco, le mouvement touchant à sa fin dès la fin de l'année 1980, et le groupe s'orientera vers un style qui lui conviendra parfaitement. Mais assez parlé, on y va pour l'écoute. Got you. On enchaîne. C'est le moment du maxi. On va serrer un petit Melbamour de derrière les fagots. J'ai choisi de vous faire écouter Take My Love, sorti en 1981. L'artiste, née en 1945, est au top de sa carrière à cette époque. Elle connaîtra la consécration l'année suivante par son tube Love's Coming At You, que l'on a déjà écouté, il me semble. Allez, c'est parti! Alors, la pépite du jour est consacrée à James Brown. J'ai choisi une chanson du film Rocky IV. Living in America nous fait la liste de tous les avantages à vivre aux USA. James obtiendra un Grammy Award pour cette chanson. Vous vous rappelez d'Dan Hartman ? Eh bien, c'est lui qui a composé le titre. Elle date de 1985 et ça donnait ça. Alors voilà, on arrive au terme de notre émission. J'ai été ravi de passer ce moment avec vous. Je vous dis bonne soirée, à la semaine prochaine. Bye bye.